La modestie, ce n'est pas conçu pour un MC. Et après mon passage, petit, apprendre ta vision s'élargit. Récupère tes neurones, rien qu'en écoutant ma poésie. Quand je les écoute, ils font la promotion de l'ineptie. Je ne vois pas l'artiste, moi je ne vois que des gogoles. Ils ne savent pas s'exprimer, ils ont déserté les pans d'école. Dans ma tête, y'a des mots, des fous, des flots et des défauts. Des fous, des faux, des flics s'en font et au fond. On sait bien que tout le monde s'en fout. Moi je dois retrouver la paix, réunir tous mes refaits. Mais dis-moi comment on fait avec tous ces rappeurs de paix. J'ai les codes et les clés pour accéder au succès. Mais j'ai toujours refusé de rentrer dans le jeu truqué. Vu que c'est de la prostitution, et faut faire avec ça. Des artistes catins, oui je sais c'est vexant. Troubadour moderne, des principes je me suis fixé. De violent et d'un cul, voilà de quoi on est taxé. Tell me why should I spend you? Why should I spend your name on hip-hop? Many of those who want to kill you, those who want to kill you. You can't make that team just gay. You gonna da-da-da-da-da musically. Me look for what to tell you bye-bye physically. Tell me why should I spare you? Qu'on soit tombé aussi bas. Mais dites-moi ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. On a tué nos convictions, on a trahi notre combat. Apprenez l'égoïsme, apprenez le chacun pour soi. Impossible, infaisable, ingérable, cette fois c'est beaucoup trop pour moi. Impossible, infaisable, impensable, écrire de la merde. Mais moi je peux pas, nos petits frères n'ont pas de recul. Pour eux c'est du premier degré. Tous vos discours sont faux, mais les gamins ne peuvent pas l'intégrer. Les papins, les marionnettes, des crétins, passage honnête. Se penche sur la sky roulette quand pour pécho une savonnette. Trop stigmatisé, on a perdu en crédibilité. Pas de message, pas d'engage, pas de rage. Il ne reste que la débilité. On sait bien que l'auditeur n'est pas toujours fufute. Associé aux incultes qui pour deux sous font la pute. Notre culture a une histoire, ils l'ont trahi ces bâtards. À force de nous faire croire que pour nous y'a plus d'espoir. Yeah, tell me why should I spare you? Why should I spare you? Many of those who want to kill you, who want to kill you. You can't make that team just gay. You gonna da-da-da-da-da musically. Me look for what to tell you bye-bye physically. Tell me why should I spare you? Ils appellent ça divertissement. Insulte dans chaque rime, ils appellent ça divertissement. Le fric c'est leur valeur pour du divertissement. Mais je remonte le niveau quand je prends le micro, c'est un avertissement. Je te rassure mon frère, on reste droit, on reste fier. On émergera du noir, les vrais MC sont la lumière. Tant qu'on sera pas mort, on reste sincère et hardcore. Préférant le savoir à tous vos disques d'or. Tell me why should I spare you? Why should I spare you?